Il y a 200 femmes dans notre couvent. Un petit nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie, et tout le reste attend la mort. Plus d'une parmi elles sont sorties du monastère, comme j'en sors aujourd'hui, vierges et pleines d'espérance. Elles sont revenues, peu de temps après, vieilles et désolées. Tous les jours, il en meurt dans nos dortoirs, et tous les jours, il en vient de nouvelles, prendre la place des mortes sur les matelas de crin. Les étrangers qui nous visitent admirent le calme et l'ordre de la maison. Ils regardent attentivement la blancheur de nos voiles, mais ils se demandent pourquoi nous les rabaissons sur nos yeux. Que pensez-vous de ces femmes, Père Dican? Ont-elles tort ou ont-elles raison? Je n'en sais rien. Il s'en est trouvé quelques-unes qui me conseillent de rester vierge. Je suis bien aise de vous consulter. Croyez-vous que ces femmes-là auraient mieux fait de prendre un amant et de me conseiller d'en faire autant? Je n'en sais rien. Vous aviez promis de me répondre. J'en suis dispensé tout naturellement. Je ne crois pas que ce soit toi qui parles. Cela se peut. Il doit y avoir dans toutes mes idées des choses très ridicules. Il se peut bien qu'on m'ait fait la leçon et que je ne sois qu'un perroquet mal appris. Tu as raison de te faire religieuse. Vous me disiez non tout à l'heure. Elle dit non. Cela est possible. Ainsi, vous me le conseillez. Ainsi, tu ne crois à rien. Lève la tête, Père Dican. Quel est l'homme qui ne croit à rien? Père Dican se levant. En voilà un. Je ne crois pas à la vie immortelle. Ma sœur chérie, les religieuses t'ont donné l'expérience, mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer de l'amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Elle montre son crucifix. Cet amant-là n'exclut pas les autres. Pour moi, du moins, il les exclura. Ne souriez pas, Père Dican. Il y a 10 ans que je ne vous ai vu, et je pars demain. Dans 10 autres années, si nous nous revoyons, nous en reparlerons. J'ai voulu ne pas rester dans votre souvenir comme une froide statue, car l'insensibilité mène au point où j'en suis. Écoutez-moi, retournez à la vie, et tant que vous serez heureux, tant que vous aimerez comme on peut aimer sur la terre, oubliez votre chère Camille. Mais si vous arrivez jamais d'être oublié ou d'oublier vous-même, si l'ange de l'espérance vous abandonne, lorsque vous serez seul, avec le vide dans le cœur, pensez à moi qui prierai pour vous. Tu es une orgueilleuse, prends garde à toi. Pourquoi? Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour.